Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Expliquez que vous cherchez un poste qui vous donnera de nouvelles responsabilités et des occasions d'avancement de carrière, vous permettra de développer vos compétences et de relever de nouveaux défis. Ne dites pas que vous souhaitez vous lancer en affaires, changer de carrière ou retourner à l'école.